Bonsoir à tous, bienvenue à l'émission Le Terminus en ce vendredi 28 septembre. Bien heureux d'être avec vous pour la prochaine heure. Je m'appelle Jean-François Lusignan, donc prochaine heure consacrée à la grande famille du rock indépendant. J'ai devant moi la liste des chansons qui vont jouer ce soir et il y a entre autres le nouveau Frightened Rabbit du Pack AD, également un nouveau Pujol, c'est ça, également le nouveau groupe montréalais Speed Massacre, enfin un nouveau groupe, ils sont plus tellement nouveaux, mais du nouveau matériel, également classique de la semaine, à la fin de l'émission, complètement à la fin, Duster. On va commencer avec un groupe de Berlin, ils font une espèce de shoegaze post-punk, qui s'appelle I Have No Mouth and I Must Scream. Ils ont sorti au mois de mars un EP de 6 chansons disponibles uniquement sur cassette, donc un peu problématique pour faire jouer ça ce soir. Mais heureusement, ils mettent également sur leur Bandcamp les fichiers numériques de ce EP sur cassette. Voici la chanson Fountain of Youth du groupe I Have No Mouth and I Must Scream sur les ondes de CSM. Thank you. comment me faire descendre de la montagne de mes rêves. Du Parisien Marc Dess, donc un Parisien qu'on a déjà connu ici à CSM avec son groupe Théâtre Métamorphosis. Ça vous dit peut-être quelque chose? Donc un groupe qui semblerait s'est dissous vers 2011, donc le chanteur maintenant fonctionne tout seul sous son propre nom. Il vient de faire paraître une chanson qui s'appelle Vidéo Club et qui est accompagnée de la chanson que vous venez d'entendre, Tu sais. Et ces deux chansons-là sont sorties sur le label Bleeding Gold, une étiquette que je surveille vraiment de près parce qu'ils n'arrêtent pas de sortir des trucs intéressants, comme par exemple Indoor Voices. C'est eux maintenant qui vont sortir le prochain matériel de Indoor Voices, que j'aime également et que CSM aussi, on aime beaucoup. Ça avait beaucoup tourné au palmarès dans les derniers mois. On poursuit maintenant avec du nouveau encore, cette fois-ci du côté des Écossais de Frightened Rabbits. Frightened Rabbit, il n'y a pas de S à la fin, c'est ça. Et cette fois-ci, ben, ils vont, de leur côté, ils vont lancer, eux, mardi. Ils ont lancé, en fait, mardi dernier, un EP qui s'appelle State Hospital, en prévision d'un prochain album, d'un nouvel album complet qui va sortir au début de l'année prochaine, en 2013. Donc, on va entendre la chanson-titre de ce EP-là, qui s'appelle State Hospital de Frightened Rabbits. Et ça sera suivi de Bayou, un quintet de Melbourne, en Australie. Tout ça sur les ondes de la marge CISM. Conception, state, hospital, birth. The most threadbare, tall story the country's ever heard. Brought home to breathe smoke in the arms of her mother, the blunt kitchen knife, who just lays in a submissive position beneath a national weight and the slow arc of a fist. Her heart beats like a breeze blow thrown down the stairs. Her body's thicker than concrete, forced to be brave. She walks born into a grave. Thank you. accustomed to hearing that she could never run far. A slipped disc in the spine of community, a bloody curse word in a pedestrian verse. Spirits in graveyards and fingers in car parks, she cries in the high street just to be heard. A screaming anchor for nothing in particular, at the foot of the flashed red and turned grey. Now she lies on the pavement, she's helped to her feet. All thighs here in magpie handbags, Saturday's uniform for the me parade. Brought home to keep warm in the arms of a plumber, ruddy and balding, who just needs a spine to dig into, a chest for the head, and a thicker than Ils sont d'Ottawa et surprenamment rock pas mal. Ça, c'était le groupe Roberta Bondar avec la chanson Moon. Et pour les plus cultivés ou férus d'histoire, en fait, Roberta Bondar était la première ou a été la première astronaute canadienne à se rendre dans l'espace. Donc, un petit hommage à cette dame pour ce groupe d'Ottawa. Et sinon, un autre groupe, encore une fois, qui tripe sur les cassettes et qui offre pas de CD, mais qui nous offre quand même la chance de télécharger leur premier EP gratuitement. Non, pas gratuitement, mais en fait sur leur page Bandcamp en tapant, j'imagine, robertabondar.bandcamp.com. Et à chaque semaine, ici à l'émission Le Terminus, on me demande de vous faire jouer un album qui se retrouve sur le palmarès de la station. J'ai choisi pour vous, cette semaine, on fait un album qui fait son entrée. C'est la formation Fierce Creatures. J'ai choisi pour vous la chanson Baby T Abbott. Vous écoutez l'émission Le Terminus jusqu'à 22h avec moi-même, Jean-François Lusignan. We'll be right back. Pujol avec DIY2K, une chanson qui se retrouve, en fait, la chanson qui ouvre son premier album complet qui est sorti ce printemps et qui s'appelle United States of Being. Et c'était précédé du duo de Vancouver de Pac AD et Sirens, la chanson Sirens. Et ils seront, si ça vous intéresse, à Montréal, à la Casa del Popolo, le 16 octobre, donc dans deux semaines, avec le groupe de Toronto Topanga. Donc ça promet d'être un très, très, très bon spectacle à la Casa del Popolo. Donc le prochain segment musical, lui, va être entièrement francophone. Donc les premières chansons francophones de la soirée. Non, c'est vrai, on a eu du Marc Dess en début d'émission. En fait, deux chansons francophones donc, qui s'en viennent avec, pour commencer, Rebels of Tijuana, qui, malgré leur nom, sont français. Voici Tellement fou de toi sur la marge, CSM. Je cultive mon côté marron, message que je n'ai pas. dans mon oreille depuis que j'ai effleuré tes lèvres. École de merde, voilà, des sans-culottes, un groupe de New York, si je me rappelle bien, mais qui aime beaucoup le français et qui chante, ils font de la musique en français. Juste avant, c'était Rebels of Tijuana, un groupe français cette fois-ci, avec Tellement fou de toi. Et ça se retrouve sur un album qui s'appelle Un foutu hippie, qui est sorti l'année dernière. Et je vous rappelle toujours que la liste des chansons qui jouent à l'émission, c'est toujours disponible sur le CISM893.ca. Également, vous pouvez réécouter l'émission en balado-diffusion. Donc, dans le prochain segment, on va écouter, je vous le disais en intro d'émission, un groupe qui existe quand même depuis 2009, donc depuis 3-4 ans. Il s'appelle Speed Massacre, un groupe local, super groupe local qui font de la musique en anglais, composé de vétérans. En fait, on en connaît un des membres qui s'appelle Guillaume Beauregard, des Vulgaires Machins, donc tout le monde le connaît. Il y a aussi dans le groupe un autre vétéran, Alex Crow, qui a joué guitariste, qui a joué aussi avec Caféine et Tricky Woo par le passé. Et également, il y a aussi des membres de Brutal Cherry et le volume est au maximum dans ce groupe-là, Speed Massacre, donc des vétérans de la scène locale. Par contre, le chanteur, c'est Joaquin Morin. Je ne connais pas, mais donc c'est lui qui s'occupe des chants, mais il y a beaucoup d'harmonie vocale aussi dans le groupe, donc très, très intéressant. Ce groupe, et donc je vous disais, existe depuis 2009. Ils avaient mis d'ailleurs à l'époque des chansons sur MySpace à l'époque, et plus de nouvelles vraiment de leur part par la suite. Ils avaient fait quelques spectacles, mais là maintenant, ils ont sorti, il y a deux semaines, leurs chansons maintenant disponibles sur Bandcamp sous forme d'un EP et qui est gratuit, un EP de, je crois, à peu près 6 chansons. Et je vais vous faire entendre la chanson Cops on the Dance Floor, donc de Speed Massacre. Mais on va débuter tout de suite avec un groupe norvégien qui s'appelle Fever Fever, la chanson Teeth, sur les ondes de CSM. I can feel it in my teeth, but I don't care. I can feel it in my bones, my bones. I can feel it in my teeth, but I don't care. I can feel it in my bones, I can feel it in my teeth, but I don't care. I can feel it in my bones, I can feel it in my teeth, but I don't care. I can feel it in my bones. You see how long it takes. Sit like a bird. We'll be right back. Montréal Carnivore, un tout nouveau trio punk local avec la chanson Viande. Ça se retrouve sur un mini-album qui s'appelle Viande aussi, qui est disponible comme pour beaucoup d'artistes sur Bandcamp. Donc vous allez pouvoir retrouver ça là-dessus. Et on arrive à la fin de l'émission de cette semaine. Donc dernière chanson, on a le temps encore pour une dernière. Et ça va pas mal faire une différence avec ce qu'on vient d'entendre. Donc ça va être beaucoup plus space, si je pourrais dire. Donc ça sera également notre classique de la semaine, le groupe post-rock Duster. En fait, c'est plus ou moins un classique, mais en fait, c'est une vieille chanson qui remonte à il y a 12 ans, en 2000, donc sur l'album Contemporary Movement du groupe Duster, une espèce de donc de post-rock assez planant pour Duster. Et ils n'ont plus rien sorti depuis cette époque-là, donc on peut supposer qu'ils sont maintenant séparés. Donc vous allez entendre la chanson, comme je vous disais, dont je ne vous l'ai pas dit encore, ce sera The Breakup Suite. Donc voilà. Donc restez à l'écoute, hein, parce qu'après les publicités, Zika Mendes et l'émission Lam Hi-Fi va suivre. Pour ma part, je m'appelle Jean-François Lusignan. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. On se reparle la semaine prochaine, vendredi prochain. À bientôt. Ciao! Samedi le 20 octobre à l'Olympia de Montréal. Spectacle métal bénéfice pour Opération Enfant Soleil avec Wishmaster. Hommage à Nightwish. Et plus de 100 artistes sur scène mettant aussi en vedette Open Fist. Hommage à System of a Down. Everybody's going to the party. Et Alcoholica. Ultime hommage à Metallica. Bien en vente à l'Olympia et sur le réseau Admission. Information wishmaster.ca. Thank you.